Moi j'ai la jambe, ouais, papa. Ah, moi bon, tijan. Ou appétuyé. Ah, moi bon, tijan. Serré nos pays là, papa. Papa, bon, tigo. Moi j'ai la jambe, ouais. Ou appétuyé, ouais. Serré nos pays là. Oh, papa, mouéni. Moi j'ai la jambe, ouais. Ou appétuyé, ouais. Serré nos pays là. Oh, papa, mouéni. Ou manger la jambe, ouais. Papa vinoué, ma présidente, comme ça m'a gué le café, vous tous, vous tous, tous, vous tous, tous, vous tous, ça cap gado là ou ta possédé soit ta besoin encore oh on y a passé ça non point c'est pas exemple dit ta mande au côté à travail soit ta dire belambi belambi belambi c'est pas exemple dit ta mande au qui service ou fait soit ta dire service de nuit fait et c'est pas ça dit ta dire qui j'en fais une petit comme ça soit ta réponse mais son question de toute la nuit là allons de nuit passe à dormir, une tourne au crayon, la taille toute la nuit. Ah, gardez non, qui Dieu soit fait comme ça. Ou qui jouait dans mon bois, puis mon passé, ça l'avait dit ça. Jouette là dans mes mains, c'est pour qu'à pas vieux, jouette là. Gardons des nuits, ou maman, passe à dormir, une tourne au crayon, la taille toute la nuit. C'est vrai, oui. Ou regrette dans l'école ça. On y peut ton crayon dans mes mains, et puis on va vous faire papier tout noir. Et puis on va dire crier, crier, et pour la petite bout de la crête dans mes. C'est vrai, oui. Ou regrette ma fille. Ou regrette ma fille. C'est vrai, oui. Ou regrette ma fille. Ou regrette. Tout le temps, nous avons mon crayon. Papier de crayon, on fait papier noir. Crayon fini, c'est petit bout de la crête dans mes mains. Ou regrette. Ou regrette ma fille. Ou regrette, oui. Ou regrette. Regrette ma fille. Regrette. Regrette. Regrette ma fille.